Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche le 28 juin 1914. Le 28 juin 1914, une voiture qui passe, un homme qui jaillit de la foule, qui tire, et l'archiduc François Ferdinand d'Autriche qui s'abat, assassiné, mort. Un assassinat est toujours un fait divers, mais sûrement pas celui-ci. Parce que de ce coup de feu, c'est un monde qui va mourir. Extrait de l'émission « Alain Decaux raconte » diffusée à la télé française le 6 octobre 1975. On a prêté beaucoup d'importance à cet assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Longtemps, on a dit que cet assassinat avait en quelque sorte donné le coup d'envoi à la Première Guerre mondiale. Était-ce donné trop d'importance à cet assassinat? On peut en débattre, mais dans les faits, que s'est-il donc passé ce jour du 28 juin 1914 à Sarajevo et pourquoi s'en est-on pris à François Ferdinand? Sarajevo, la capitale et la plus importante ville de Bosnie-Herzégovine, s'apprête à commémorer un événement qui a bouleversé l'histoire du monde. Pourtant, dans la ville, il ne reste que peu de traces de l'assassinat, le 28 juin 1914, de l'archiduc autrichien François Ferdinand et de sa femme Sophie. Au bout du pont latin, à l'angle d'une petite rue, on aperçoit une plaque qui rappelle que l'événement a eu lieu à cet endroit. Et sur le même mur, une vieille photo de l'assassin, Gavrilo Princip, alors un jeune étudiant maladif de 19 ans. À mon avis, ce fut un acte terroriste, dit ce Bosniaque de Sarajevo. C'était un meurtre, uniquement un meurtre. Mais pour d'autres, Gavrilo Princip est un héros, comme ici, dans son village natal, où les ruines de sa maison familiale sont toujours visibles. Cette maison a déjà été un musée, dit le président de la municipalité. Des étudiants et des gens qui admiraient ce qu'il avait fait venaient la visiter. Miljkan Princip est l'arrière-petit-neveu de Gavrilo. Il vit toujours dans le même village et se dit fier de porter son nom. Pour commémorer cet événement qui a eu de terribles conséquences historiques, le président autrichien se rendra à Sarajevo avec d'autres dignitaires, mais il n'y aura aucun représentant serbe. Extrait du téléjournal du 27 juin 2014, le journaliste Frédéric Nikolov décrit l'état d'esprit ambiant à Sarajevo à la veille des cérémonies entourant le 100e anniversaire de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche dans cette ville, Sarajevo, le 28 juin 1914, pour nous rappeler le contexte dans lequel se produit cet assassinat, pour nous décrire aussi le déroulement assez étonnant de cette journée du 28 juin 1914. J'accueille l'historien Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, co-directeur du CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. On dit effectivement habituellement que c'est cet assassinat de François Ferdinand qui est un petit peu le point de départ de cette Première Guerre mondiale. Avec le recul, quel poids on peut vraiment attribuer, Carl Bouchard, à cet événement-là dans la suite des choses. Ouais. C'est un sujet qui est passionnant. On pourrait déjà faire juste une émission là-dessus. Il y a des causes à long terme, il y a des causes à court terme, il y a des éléments déclencheurs dans tous ces grands événements. Il y a des milliers de livres qui parlent des origines de la Première Guerre mondiale. C'est clair que on a l'avantage avec cet assassinat, c'est qu'on a une date. Oui. On a quelque chose qui nous fixe un repère chronologique et on peut, à partir de là, parler d'un événement déclencheur. C'est sûr qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes qui déterminent les causes de la guerre, mais on peut au moins dire qu'à partir de cet assassinat, des gestes vont être posés. Et ces gestes qui vont mener à ce qu'on va appeler la crise de juillet 1914, où là, l'activité diplomatique, les tractations diplomatiques commencent à s'activer, oui, à la suite de cet assassinat. Donc, ça va provoquer des événements, mais c'est difficile de dire que sans cet assassinat, la guerre n'aurait pas eu lieu, ou avec elle a eu lieu. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y aurait eu une guerre de toute façon? Est-ce que cet assassinat ne devient pas un peu un prétexte? Compte tenu de la tension qui existait entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie à l'époque, il y aurait probablement eu une guerre. Mais évidemment, sans l'assassinat, est-ce que l'héritier présomptif aurait, lui, agi pour faciliter des ententes? On peut évidemment pas le savoir. Ouais. Et ce qu'on sait, c'est que l'Autriche-Hongrie a profité de l'événement pour enfin mater la Serbie. Oui. Et donc, on expliquera pourquoi tout à l'heure, pourquoi il y a cette tension entre les deux États. Mais c'est, ça, c'est clair que l'assassinat a servi de prétexte pour l'Autriche-Hongrie pour enfin agir contre son rival. Oui. Donc, on ne se lancera pas dans ces conjectures. On l'a beaucoup fait dans d'autres émissions. Oui. Vous le disiez, plein de livres ont été écrits. On n'essaiera pas de voir vraiment quel poids a eu cet assassinat pour la suite des choses. Vous avez plutôt décidé aujourd'hui, je trouve que c'est une très bonne idée, de nous décrire les événements, ce qui s'est passé ce 28 juin 1914. Pourquoi? Ouais. C'est un genre de bonbon pour les historiens. Cette journée est tellement folle. Il se passe des choses tellement inouïes qu'on se dit, on ne peut pas faire autrement que s'empêcher de se dire, ben, il y avait quelque chose là qui pouvait ne mener qu'à cette grande catastrophe. En fait, c'est assez étonnant. Et ça mélange toutes sortes de choses. Ça mélange le nationalisme des Serbes, l'impérialisme austro-hongrois. Ça mélange des questions d'amour, des questions d'intérêts politiques et de jeux politiques. Il y a de la tragédie, il y a des hasards extraordinaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses tout concentrées dans cette seule journée. Ce que vous appelez, depuis que j'anime cette émission, moi, je ne connaissais pas cette expression, mais c'est un classique. Là. C'est une expression très connue chez les historiens, la contingence en histoire. Tout à fait. On est là-dedans. On est là-dedans. Le c'est poids une du suite hasard. De hasard, exactement. Une suite de hasard qui mène à cet assassinat et puis à tous les événements par la suite. Alors, commençons par parler du lieu où se déroule ce fameux drame du 28 juin 1940. C'est à Sarajevo qu'est assassiné François Ferdinand. Pourquoi Sarajevo, Karl Bouchard? Sarajevo, c'est la capitale de la Bosnie. Alors, il y a plusieurs joueurs un peu dans cette partie. On en a déjà nommé deux, l'Autriche-Hongrie, la Serbie. Là, on rajoute la Bosnie. Alors, la Bosnie est un territoire qui a été annexé par l'Autriche-Hongrie en 1908, donc quelques années avant l'assassinat. C'était auparavant un territoire qui était géré par l'Autriche-Hongrie, mais qui appartenait à l'Empire ottoman. Très rapidement, l'Empire ottoman contrôle au 19e siècle la zone des Balkans. Et puis, peu à peu, les peuples qui composent les Balkans obtiennent leur indépendance et réussissent à s'émanciper de l'Empire ottoman. Et la Bosnie était auparavant dans cet empire, elle est composée à 40 % de Serbes. Et donc, c'est une région avec cette grande minorité serbe. Il y a aussi des chrétiens, des catholiques croates. Il y a aussi des musulmans qui sont dans cet héritage de l'Empire ottoman. Et donc, la Bosnie a été annexée en 1908. Elle est limitrophe à la Serbie et elle est composée à 40 % de Serbes. Et la Serbie, elle, est extrêmement nationaliste au début du siècle. Et donc, elle alimente le nationalisme des Serbes en Bosnie. On va appeler la Bosnie, même si c'est ce qu'on appelle à l'époque plus officiellement la Bosnie-Herzégovine. On va parler de Bosnie pour le cadre de l'émission. Donc, Sarajevo, c'est la capitale de la Bosnie. Donc, un endroit stratégique pour ces nationalistes serbes qui regardent cette ville et cette Bosnie avec certaines aspirations. Tout à fait. On voudrait, en fait, chez les nationalistes serbes, créer ce qu'on appelle une grande Serbie, c'est-à-dire une Serbie qui récupérerait l'ensemble des peuples de tradition serbe dans les Balkans. La Serbie a gagné en 1912-1913 une série de guerres. C'est l'État peut-être le plus actif dans la région, qui a une politique étrangère assez agressive, une culture politique aussi qui n'est pas particulièrement calme. Il y a beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup de coups d'État. Et donc, c'est un État, disons, actif. À l'époque, on le sait, aujourd'hui, on appellerait, certains historiens le qualifient ainsi, d'État voyou. Un État qui vient un peu bousculer le jeu dans l'ensemble international. Et puis, ces nationalistes serbes qui n'ont jamais vraiment accepté, au fond, ce qui s'est passé en 1908. Exactement. Bon, la cible de cet attentat du 28 juin, c'est l'archiduc François Ferdinand, qui est autrichien, donc on comprend bien qu'il soit déjà dans l'œil des nationalistes serbes. Ouais. Mais qui est-il, François Ferdinand? Et pourquoi c'est une bonne cible? Voilà, on dit toujours l'héritier présomptif du trône, l'héritier du trône. François Ferdinand, c'est le neveu de l'empereur François-Joseph. François-Joseph est un empereur depuis le milieu du 19e siècle. C'est un des plus vieux souverains européens. Et François Ferdinand a eu trois frères. L'un est mort en 1867, l'autre était homosexuel et n'avait pas accès à la couronne. Son fils Rodolphe est mort en 1889 et à la mort de son fils, François-Joseph a donné, en fait, ou attribué le trône à son frère Charles-Louis, son frère cadet. Il n'avait pas de successeur. Il n'avait plus de successeur à partir de la mort de son fils Rodolphe. Et Charles-Louis a tout de suite renoncé au trône au profit de son fils François-Ferdinand. Donc, c'est par une suite déjà de questions dynastiques, ces questions sont extrêmement complexes, surtout dans la famille impériale autrichienne, qu'on en arrive avec François-Ferdinand, héritier présomptif, donc, du trône, lorsque François-Joseph Joseph finira par trépasser. Puis ce qu'il faut savoir autour de François Ferdinand aussi, c'est que quand il décide d'épouser Sophie, oui. Ça va aussi... ça aura un impact. C'est fou, mais on va le voir. Ça aura un impact, ce choix-là qu'il fait. Dites-nous oui. pourquoi. Oui. Sur le fait qu'il soit assassiné à Sarajevo plus tard. Après, il y a certainement des liens à faire. François Ferdinand épouse Sophie Chotek en 1900. Sophie Chotek est une comtesse. Elle est donc de rang inférieur à François Ferdinand et à la famille impériale. C'est ce qu'on appelle un mariage morganatique. Et c'est un scandale dans la cour parce qu'on ne peut pas accepter qu'on puisse comme ça épouser quelqu'un de rang inférieur. Donc, François-Joseph, l'empereur, va accepter ce mariage, mais à certaines conditions. Et ces conditions auront une importance quelques années plus tard. Par exemple, les enfants du couple ne pourront pas accéder au trône, c'est déjà un signe. Sophie Chotek n'aura pas le même rang hiérarchique à la cour que les autres princesses. Le couple ne pourrait pas être vu ensemble, par exemple, dans les cérémonies officielles à Vienne. Oui. Alors, par exemple, à l'Opéra de Vienne, le couple ne peut pas être assis à la loge impériale. Donc, Sophie Chotek ne peut pas s'asseoir à la loge impériale. Autre chose, le couple n'aura pas droit à ce qu'on appelle le cortège officiel, c'est-à-dire que pas de protection de l'armée lors des déplacements. Alors, oui. les deux derniers points auront leur importance par la suite, en 1914, dans cette fameuse visite du 28 juin. Et ce mariage entre François Ferdinand et Sophie nous amène aussi à parler de cette date, la date oui. de l'attentat, le 28 juin. C'est une date significative pour ce couple-là. Ouais. C'est aussi, Karl Bouchard, puis expliquez-nous, une date significative pour ceux qui vont s'attaquer à l'archiduc. Oui, c'est une double date, effectivement. Elle est plus, de façon plus anecdotique ou liée au couple lui-même, une date intéressante, puisque c'est le 28 juin 1900 que François Ferdinand a signé l'acte de renonciation, justement, qui lui permettait de se marier avec Sophie Chotek. L'acte de renonciation, ce sont l'acceptation des conditions, en fait, qu'a posé François-Joseph. Donc, ils sont signés le 28 juin, ils se sont mariés le 1er juillet, mais pour le 28 juin, pour eux, c'est un moment important parce que ça signifiait aussi pour François Ferdinand sa déclaration d'amour officielle oui. envers Sophie Chotek. Et c'est pour ça, au fond, qu'il décide de faire cette visite à elle. Sarajevo. Oui, il ne peut pas se promener, vous l'avez dit, oui. dans les rues de Vienne. Il ne peut pas être vu avec Exactement. Sa femme dans les rues de Vienne. Donc là, ils pourront célébrer être avec ensemble. Le cortège. Exactement. Être ensemble à Sarajevo, c'est un peu un cadeau de mariage oui. que fait François Ferdinand à Sophie Chotek. Alors ça, c'est pour le couple. 28 juin est aussi important pour les Serbes. C'est une date commémorative. On commémore la bataille de Kosovo-Polje, qui est une bataille qui a lieu en 1389, perdue par les Serbes, mais au cours duquel un Serbe a assassiné le sultan ottoman. Et c'est devenu une date mythique, un moment repère dans le nationalisme serbe, et qu'on va, surtout au 19e siècle, au début du 20e siècle, commémorer de façon de plus en plus active, ouais. Pour parler justement de la naissance de cette nation serbe et de sa grandeur à travers l'histoire. Donc c'est un peu comme si, pardonnez-moi un peu l'analogie, mais c'est comme si la reine d'Angleterre venait le 24 juin 1973, par exemple, à Québec, pour, lors de la Saint-Jean. C'est un moment qui peut être vu par les nationalistes comme quelque chose d'un peu vexant, d'un peu agressif. De la pas, part ce de jour, pas ce jour. Venez le 29 ou le 26, ouais. mais pas le 28. Ouais. Ouais. Qui est derrière ce fameux attentat du 28 juin, Karl Bouchard? Oui, c'est un groupe serbe qu'on appelle la Main Noire. Alors là, il y a toutes sortes de... c'est une association secrète, une société secrète. C'est une société nationaliste, mais qui a infiltré tous les niveaux du gouvernement, très, très proche du pouvoir. Le ministre de l'Intérieur, qu'on appelle sous son pseudonyme Apis, est le dirigeant de cette association. Leur objectif, c'est de favoriser la Serbie, l'émancipation de la Serbie et l'agrandissement de la Serbie. Et ça passe par des actes terroristes. On a attaqué déjà des fonctionnaires austro-hongrois. On pose des gestes assez graves. Et donc, derrière cette association, lorsqu'on apprend en mars 1918, que François Ferdinand se rend à Sarajevo, eh bien, la machine se met en marche. La Main Noire se dit, on va profiter du moment pour exercer nos actions et donc poser ce geste terroriste. Et parmi les sept terroristes, il y aura ce fameux Gavrilo Princip, l'assassin de l'archiduc François Ferdinand. Qui est-il? Ben, Gavrilo Princip, c'est un jeune bosniaque d'origine serbe. Il est parti en Serbie pour faire ses études universitaires. C'est là qu'il a acquis cette conscience nationale. Il est recruté avec d'autres joueurs. Alors, ce sont tous des jeunes. Le plus jeune dans cet ensemble de sept terroristes a 17 ans. Ce sont des jeunes qu'on va, disons, radicaliser, ouais. Comme on le fait aujourd'hui pour le terrorisme, et pousser à l'action. Donc arrive l'action, arrive cette fameuse date du 28 juin 1914. Comment se déroule cette journée-là? Oui, elle se déroule de façon assez... assez phénoménal. Alors, vers 10 heures à peu près, le cortège arrive à Sarajevo. C'est une belle journée. Les capotes sont ouvertes, donc les voitures circulent sur la rue principale qu'on appelle le Quai Appel, qui longe le fleuve là, qui traverse Sarajevo. Et les terroristes, eux, sont postés à différents endroits. Le premier terroriste, en fait, peut-être spécifié aussi, c'est un cortège. Il y a 6 voitures dans ce cortège. Dans la première, il y a le maire de Sarajevo. Dans la seconde, il y a François Ferdinand, Sophie Chotek. Dans la troisième, il y a l'intendance et des chefs militaires. Et ensuite, des voitures un peu moins importantes dans la série. Alors, il y a une foule, évidemment, qui vient accueillir l'archiduc. 7 terroristes sont postés. Le premier, qui est le seul musulman d'ailleurs dans ce groupe, qui s'appelle Mehmet Bajic, prend peur en voyant la voiture arriver et décide de ne pas amorcer sa bombe. Donc déjà, on passe le premier terroriste. Le deuxième, qui s'appelle Kabrinovic, lui amorce sa bombe. Mais à l'époque, amorcer une bombe, ça voulait dire frapper le détonateur pour que la bombe amorce. Ouais. Et c'est très bruyant. Donc déjà, il y a eu un premier coup, une première détonation, qui a alerté le chauffeur de la voiture de François Ferdinand et qui a décidé d'accélérer. Et Kabrinovic lance sa bombe. Alors, on ne sait pas encore exactement ce qui est arrivé. Est-ce que François Ferdinand l'a frappé, a frappé la bombe de la main? Est-ce qu'elle est tombée sur la capote arrière? Toujours est-il que la bombe a rebondi sur la voiture et a explosé sous la troisième voiture. Alors, il y a un premier attentat, c'est celui-là. Premier geste, première explosion. Ensuite, le cortège part à toute vitesse et les autres terroristes, dont Gavrilo Principe, voient passer la voiture. Ouais. Il y en a un qui voit la bombe arriver, voit le cortège arriver, pardon, celui de 17 ans qui s'appelle Vazo Chobrilovic. Et il lui prend peur complètement. Il est tétanisé parce qu'il voit Sophie Sotek qui ne croyait pas être présente et il trouve inconcevable de lancer une bombe sur une femme, donc décide de ne pas agir. Donc, cet événement, en fait, trouble les terroristes et fait en sorte que, dans ce premier temps, eh bien, il n'y a pas de mortalité. Ouais. Tout ce beau monde, donc, le cortège se retrouve à l'hôtel de ville et c'est à la suite de ce premier attentat, de la cérémonie. Il y aura une cérémonie à l'hôtel de ville. On fait un petit peu comme si rien s'était passé, ce qui indispose un peu François Ferdinand, qui rabroue un peu le maire. Mais on décide de repartir et là, vraiment, le hasard, le pur hasard, va peser, mais vraiment de tout son poids, pour faire basculer le cours de l'histoire. Tandis que se déroule la réception de l'archiduc à l'hôtel de ville, on étudie un nouvel itinéraire pour le cortège. François Ferdinand a manifesté le désir de se rendre à l'hôpital pour visiter les blessés. On suivra le quai, on évitera le centre de la ville. L'archiduc quitte l'hôtel de ville. Trop tard, la voiture de l'archiduc s'éloigne dans la rue François-Joseph qu'elle ne devait pas prendre. Que cette voiture continue son chemin et l'événement peut être modifié. Mais le gouverneur s'est aperçu qu'on empruntait le mauvais itinéraire. Il fait faire marche arrière. Et c'est ici le vrai rendez-vous du temps avec l'histoire. Il y avait une chance sur 1000 pour que ces deux balles atteignissent leur cible. Encore l'une d'elles visait-elle le gouverneur et non la duchesse. Extrait de l'émission « 5 minutes qui ont changé le monde » diffusée à la télé française en novembre 1969. Ce qui se passe, Carl Bouchard, au moment où François Ferdinand et son épouse Sophie quittent l'hôtel de ville de Sarajevo, c'est complètement fou. On en a un petit aperçu ici, mais décrivez-nous là, la suite des choses. Ouais. Ben déjà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils aient continué leur visite officielle. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, c'est inconcevable qu'un attentat raté comme ça mène à la suite d'une visite. Bon, donc, vers 11h moins quart, ils décident de quitter l'hôtel de ville. Sophie Chotek ne devait pas être là, d'ailleurs. Elle devait aller faire autre chose et elle décide de suivre son mari. Pourquoi? Parce qu'on a pris la décision d'aller voir à l'hôpital les gens qui ont été blessés dans le premier attentat. Oui. Et alors, on repart sur le quai Appel. En modifiant l'itinéraire. En modifiant l'itinéraire, sauf qu'on n'avertit pas le chauffeur de la modification de l'itinéraire. Et le chauffeur, lui, se rend, selon l'itinéraire planifié, au Musée national. Et pour passer par le Musée national, où devait aller François Ferdinand, il tourne à droite sur la rue, quelle ironie, François-Joseph. Et il arrive sur la rue François-Joseph. Le général Potiorek, qui est assis à ses côtés, qui connaît le nouvel itinéraire, lui dit « Non, tu t'es trompé, on s'en va à l'hôpital, il faut reculer. » Il faut comprendre qu'à l'époque, les voitures n'ont pas de marche arrière. Alors, pour reculer une voiture, il faut mettre en neutre, descendre de la voiture, pousser la voiture pour la ramener sur le droit chemin. Et c'est à ce moment que Gavrilo Principe, qui est parti dans la foule, en fait, au moment du premier attentat, se trouve devant la voiture. Par hasard. Complètement par hasard. Et elle s'aperçoit, en fait, que la voiture est immobilisée. Les deux, François Ferdinand et Sophie Chotek, sont capote ouverte dans la voiture, montent sur la voiture, tirent sur les deux altesses impériales. Hier, vendredi, à Sarajevo-Est, qui correspond à la partie serbe de Sarajevo, plusieurs centaines de personnes ont participé à l'inauguration d'une statue de Gavrilo Princip, l'auteur de l'assassinat de François Ferdinand. Nous nous sommes rassemblés ici pour inaugurer un monument à la mémoire de Gavrilo Princip, qui avait été membre de l'organisation La Jeune Bosnie. C'était quelqu'un de téméraire qui a lutté pour la liberté de son peuple et qui a donné sa vie pour cette cause. Ici, à Sarajevo-Est, nous inaugurons une statue de Gavrilo Princip et on envoie un message pour dire que nous sommes fiers de notre histoire, de notre combat pour la liberté, de tout ce que nos ancêtres avaient fait pour que nous soyons un jour dans la position de défendre le droit à notre identité. Monsieur Dodik insistera aussi sur les divisions en Bosnie qui mèneront à terme, selon lui, à l'indépendance de la République serbe de Bosnie. Rappelons que depuis la fin de la guerre intercommunautaire, la Bosnie est divisée en deux entités, une serbe et l'autre croato-musulmane, unies par de faibles institutions centrales. Le 28 juin 2014 a eu lieu donc l'inauguration d'une statue de Gavrilo Princip à Sarajevo. Oui. Comment expliquer à Karl Bouchard chez certains Serbes, en tout cas, il y a encore une certaine vénération. On considère Gavrilo Princip comme un héros. Oui, c'est une question nationale, en fait, nationaliste. Pour les Serbes les plus nationalistes, cet homme est un héros. Il a permis à la Serbie de garder son identité, aux Serbes de Bosnie et aux Serbes de la Serbie d'affirmer leur prétention nationale, comme on le lit dans l'extrait, entendant un extrait. Qu'on préservait leur culture. Ouais. Donc, c'est résister exactement face à d'autres forces qui ont empêché la Serbie ou qui auraient empêché la Serbie de se développer. Princip, ils sont sept au total, mais enfin, ouais. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ouais. ces terroristes du 28 juin? Certains sont exécutés, d'autres trop jeunes, comme Gavrilo Princip, vont partir en prison. Alors, ils ont tous raté leur tentative de suicide. Le cyanure n'a pas fonctionné dans leur cas. Parce qu'ils avaient chacun un petit cachet. Et un petit cachet de cyanure. Ouais. Donc, Gavrilo Princip, lui, est condamné à 20 ans de prison et il va mourir en fait en avril 1918, tout juste à quelques mois avant la fin de la guerre, de tuberculose. Ouais. Et par la suite, sa mémoire sera honorée par les plus nationalistes serbes. D'autres, comme le plus jeune, Vaso Čubrilović, lui est devenu professeur d'histoire à l'Université de Belgrade. Il est mort en 1990, donc quelques mois avant le début de la guerre en ex-Yougoslavie, donc qui trace probablement justement ce lien au 20e siècle entre ces deux événements. Dernière question, Karl Bouchard, que serait devenu François-Joseph deux ans après François 1916, Ferdinand, ouais. Que serait devenu l'Autriche-Hongrie sous François Ferdinand s'il n'y avait pas eu cette attente? Ah, c'est une grande, grande, grande question. Ce qu'on sait, c'est que François Ferdinand était un réformateur dans l'âme. Il avait la volonté de transformer l'Empire et notamment d'accorder une place plus importante aux minorités et notamment aux Serbes. Donc, c'est ce qui a fait qu'il est devenu une cible importante pour les nationalistes serbes parce qu'il avait une volonté d'accommoder les Serbes dans l'Empire. Donc, peut-être que François Ferdinand aurait agit de façon peut-être un peu plus moderne que son oncle très conservateur. Et c'est ce qui va arriver, en fait, lorsque meurt François-Joseph. C'est Charles, le jeune Charles, qui va prendre les pouvoirs en 1916 et qui, dès le départ, va tenter de sauver l'Empire, ouais. qui est en train de se déliter complètement à cause de la Première Guerre mondiale. Karl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier de l'émission, co-directeur du CERIUM à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.